Monsieur X, il n'y a pas si longtemps, en me racontant les secrets de la tragédie biafraise, a mis en lumière le rôle de la politique occulte de la France en Afrique. C'est pourquoi je lui ai demandé à la fin de cet entretien s'il existait d'autres exemples aussi tristement spectaculaires. Il m'a répondu cette semaine. Et il m'a dit d'emblée, en Guinée, nous avons fabriqué un dictateur. Par conséquent, nous portons aussi la responsabilité d'une partie de ses crimes. Monsieur X voulait donc parler du dirigeant guinéen Sékou Touré, l'homme qui a dit non au général de Gaulle. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Quand vous dites que la France a fabriqué un tyran, c'est peut-être un peu facile, non? Enfin, ou exagéré à tout le moins. Non, non, je maintiens ce que je vous ai dit. Et vous ne pensez pas que Sékou Touré, enfin, de toute façon, serait devenu un dictateur? Peut-être, mais alors nous avons certainement précipité son évolution. J'ajoute que nous n'avons pas été les seuls. Pas les seuls, c'est-à-dire? Bien, dans l'affaire guinéenne, nous avons été aidés par beaucoup de monde. Mais nous en parlerons, si vous voulez bien. Mm-hmm. Sékou Touré agaçait, en effet, beaucoup, beaucoup de gens. Et autant de services secrets qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour se débarrasser de lui. Ouais, mais enfin, ils n'ont pas réussi. Hein. Non, non, Sékou Touré leur a échappé en mourant de mort naturelle. Vous en êtes sûr, au moins? Dans ce genre d'affaires, on n'est jamais sûr de rien. Sékou Touré est mort soudainement au cours d'un voyage aux États-Unis. Et je n'en sais pas plus, puisque les médecins ont conclu à une mort naturelle. Mm-hmm. Et il avait quel âge hein? Une petite soixantaine d'années. Pas bien vieux, hein? Non. Mm-hmm. Bon, rapidement, quel est son parcours? Rapidement, oui. Car il faut arriver très vite, à la fin des années 50, au moment où son destin et celui de son pays vont basculer. Sékou Touré est né au début des années 20, en 22 exactement, en pays Malinké. Aux confins de la savane et de la forêt, très près des sources du Niger. C'est très important. Mais pourquoi ça? Parce que c'est le pays d'un certain Samori Touré, un chef politico-religieux de grande envergure qui a longtemps mené la vie dure à nos troupes. Mmh, et qui s'appelle donc Touré, lui. Alors, vous imaginez bien que Sékou Touré va souvent se réclamer de ce guerrier prestigieux. Il affirmera même qu'il est l'un de ses descendants. Vrai? Peu importe, l'essentiel c'est qu'on le croira. Et Sékou Touré là, fait des études? Une école coranique d'abord. Ah oui, donc, parce qu'il est musulman. Comme tous les habitants de cette région. Mmh. Ensuite, il fréquente une école professionnelle dans la capitale Conakry. Et il fait des études secondaires par correspondance. Ça lui vaut d'être engagé dans les services financiers des PTT. Il est fonctionnaire donc. Hein. Oui, et très bien noté. Sékou Touré est entreprenant, intelligent, et en 1945, il fonde le premier syndicat de Guinée. Parce qu'il n'avait pas encore de syndicat. Non, non. Il ne faut pas oublier que le droit syndical avait été accordé aux Africains peu d'années auparavant. Ouais. Et comment cette initiative, alors, création de syndicat, a-t-elle été accueillie par les autorités? Pas très bien, comme vous pouvez le penser. Ce n'est pas parce que vous avez un droit qu'il faut l'exercer, c'est ça? À peu près ça, oui. Sékou Touré devient très vite la bête noire du gouvernement. De son engagement syndical? Bien entendu. Ouais. Affilié à la CGT, est-ce que Sékou Touré est communiste? Non. Il n'est pas inscrit, mais il est évident qu'il est très proche du Parti communiste français. Et il fréquente ses dirigeants lors de ses voyages à Paris. Toutefois, ce jeune leader syndicaliste rejoint le RDA, le Rassemblement démocratique africain, où l'on trouve de futurs chefs d'État comme Oufouette Boigny. Mmh. Sékou Touré est donc très vite un homme qui compte en Afrique. Incontestablement, il est très populaire. En 1953, il organise une grève générale qui va durer plus de 2 mois. Et le gouverneur de l'AOF sera obligé de céder. Mais une grève pourquoi? Pour l'application du code du travail. Une grève légitime, donc. Tout à fait. Un an plus tard, l'administration coloniale croit tenir sa revanche, mais ça ne fera qu'accroître un peu plus la popularité du jeune dirigeant. Mais pourquoi? Sékou Touré est candidat lors d'une élection législative partielle. Grâce à une fraude massive organisée par les autorités, Sékou Touré est battu. Ouais, je crois comprendre, il se pose en martyr. Évidemment, et grâce à ce trucage électoral, Sékou Touré gagne encore en popularité. Tant et si bien que bientôt, il est élu maire de Conakry. Et en 1956, enfin, il devient député. Ah, quand même. Mais sous quelle étiquette? Front républicain. Alors, il est de gauche, donc. Hein, oui, un an plus tard, en 1957, lorsque la loi cadre, initiée par Gaston Defferre, entre en application, il accède à la vice-présidence du Conseil de gouvernement de la Guinée. Cette loi cadre accordait plus d'autonomie aux colonies, c'est ça. Et le vice-président est en fait le véritable chef du gouvernement. Ouais. Donc c'est Couturé et le maître de la Guinée, dès cette époque. Ouais, ouais. Il règne sans partage, son parti, un parti unique bien sûr, s'impose, par la force s'il le faut. Ouais. Et politiquement alors, comment ça se traduit ça? C'est Couturé ne fait pas mystère de ses convictions marxistes, et la plupart de ses ministres sont proches des communistes. Et vis-à-vis de la France, qui est encore, quand il faut le dire, la puissance de tutelle. Hein. À ce moment-là, c'est Couturé ne remet pas en cause l'appartenance de son pays à la République française. Et il évite soigneusement de prononcer le mot d'indépendance. C'est-à-dire qu'il n'ose pas sauter le pas, quoi. Encore. Mais c'est vrai, c'est Couturé est un africaniste révolutionnaire qui rêve d'une Afrique unie, une Afrique qui, un jour forcément, devra couper le cordon ombilical avec la puissance coloniale. Et petit à petit, il évolue. Dans un sens hostile à la France. Hostile, non. Non, mais déjà, et là on se situe au début de l'année 1958, c'est Couturé commence à parler d'association libre avec la France. Ah, et c'est la fameuse expression, l'indépendance dans l'association? À peu près, même si le mot indépendance n'est toujours pas prononcé. Ouais, il est très modéré, votre révolutionnaire. Oui, oui, on aurait sans doute dû l'écouter plus attentivement. Tenez, avant de venir vous rejoindre, j'ai jeté un coup d'œil sur les écrits de ces Couturé. Il parle de la confiance et de l'amour que les Africains, à commencer par lui-même, portent à la France. L'amour. L'amour, oui. Et c'est pourtant ce même homme qu'on va bientôt présenter comme l'un des pires ennemis de notre pays et qu'on va essayer d'abattre. Ouais. Bah, c'est donc qu'il a évolué quand même. Et que la France n'a pas su l'entendre. Mais en 58, il est vrai que l'indépendance est dans l'air du temps. Il y a eu l'Indochine, le formidable mouvement d'émancipation des pays du tiers-monde et la guerre d'Algérie. Ces Couturé fait bien sûr partie des dirigeants africains qui condamnent l'action de la France en Algérie. Puis 58, c'est aussi l'année où le général de Gaulle revient au pouvoir dans les conditions que nous savons. Et incontestablement, l'Afrique attend beaucoup du retour du général. Ouais, parce que c'est l'homme du célèbre discours de Brazzaville, où le général a parlé de l'émancipation des Africains, il faut le rappeler. C'est cela, oui. Et les dirigeants africains pensent que de Gaulle va accorder à leur territoire une autonomie encore plus grande. Quelque chose qui sera très proche de l'indépendance tout en maintenant des liens forts avec la métropole. Une sorte de fédération de pays autonomes ? Et libre. Mais la notion va peu à peu évoluer. Ce sera ce que de Gaulle va bientôt appeler la communauté. Mmh. Et que les populations françaises et africaines devront ratifier en septembre 58, lors du référendum sur la constitution de la 5e République. Mmh. Cette communauté, c'est donc une libre association de pays indépendants ? Voilà. Mais de Gaulle prévient tout de suite, si un pays vote non au référendum, cela signifie qu'il fera sécession et qu'il obtiendra sa totale indépendance. La France rompra donc ses liens avec lui, avec toutes les conséquences que cela implique. Et des conséquences économiques principalement. Oui, ça veut dire la fin de l'aide française. Quoi. Ouais. C'est clair. Donc c'est une menace. Hein. Indubitablement. Et pour bien faire passer le message, le général entreprend une grande tournée africaine en août 58. Et ça se passe comment cette tournée-là? Plutôt bien, sauf dans la Guinée de Sékou Touré. Et le général de Gaulle va prendre cela pour un affront personnel et il ne le pardonnera jamais au leader guinéen. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Nous allons voir tout de suite comment s'est passé le rapide séjour du général de Gaulle à Conakry et ce qui a légitimé son courroux. Jean Lacouture, en août 1958, accompagnait le général. Et dans sa monumentale biographie de Gaulle, il raconte par le menu ce voyage. Mais quelques jours auparavant, il avait interviewé Sékou Touré et voici le portrait qu'il trace du leader guinéen. Comment ne pas être frappé par l'impression de puissance contenue dans ce corps replié sur un fauteuil bas, dans ce visage fortement maçonné, au méplat semblable à des rochers émergeant du Niger, dans ce regard luisant étrangement au creux des orbites, plus noir encore que le noir visage, un noir de théâtre, un noir pour jouer Othello ou le Monastatos de la flûte enchantée, dans cette mâchoire de guerrier malinqué. Mais ce qui frappait plus encore à cette époque, et qui a bien changé depuis, c'était l'extraordinaire faculté de silence de M. Sékou Touré, qui a pu depuis lors être témoin des remarquables démonstrations de volubilité données à travers le monde par le leader guinéen, ne peut évoquer sans quelque effarement le mutisme dont il pouvait alors faire preuve. Et plus loin, le journaliste écrit « Dès cette première rencontre, M. Sékou Touré m'a fait penser au Gamal Abdel Nasser de la première époque, celle du coup d'État. Mais ce qui apparaissait chez l'Égyptien, imputable à la timidité, semblait bien chez le Guinéen relever d'une formidable puissance de dissimulation, d'un exemplaire contrôle de soi. Qu'il l'ait appris chez Lénine, chez Machiavel, chez Retz, ou plus simplement dans son village, M. Sékou Touré savait déjà que le meneur d'hommes est plus grand parce qu'il tait que parce qu'il dit. Quitte a oublié plus tard ce précepte. Ce récit a été publié dans un livre intitulé « Cinq hommes et la France » paru au Seuil en 1961. Tout avait pourtant bien commencé, en apparence au moins. C'est-à-dire alors? Eh bien, aussitôt descendu de l'avion, le général de Gaulle monte dans une auto où prend place ses couturiers, direction Conakry. La capitale, oui. Ouais, et sur les quelques kilomètres qui séparent l'aéroport de la capitale, c'est un ballet ininterrompu. C'est-à-dire un ballet des danseurs, vous voulez dire? Oui, c'est bien ce que je veux dire. Un spectacle étonnant, exubérant, parfaitement mis en scène. Tous ceux qui ont assisté à cette mise en scène n'en croyaient pas leurs yeux. Et pourtant, en Afrique, on est habitué à voir des foules colorées et enthousiastes. Mais vous avez parlé de mise en scène. Bien évidemment, tout ça a été préparé. Ouais. Mais dans quel but, alors? Impressionner le général. Lui prouver que toute la population guinéenne se trouvait derrière son leader, ses couturiers. De Gaulle aurait pu croire que ce spectacle était une manifestation d'amitié, d'admiration qui lui était destinée. Sans doute l'a-t-il pensé, mais dans son entourage, ceux qui connaissaient le pays lui ont vite dessillé les yeux. Pourquoi ? Parce que cette foule impressionnante chantait aussi. Et un mot lancinant, un seul revenait sur toutes les lèvres, Sillé. Sillé, qu'est-ce que ça veut dire ça ? L'éléphant. Ah bon ? Et c'était l'animal fétiche de ses couturiers. Donc c'est ses couturiers que la foule célébrait, bien et sûr. Pas de Gaulle. Ouais. Oui, ses couturiers, lui seul. Ses couturiers qui peut faire de son peuple ce qu'il veut. Ouais. Et qui le fera donc voter comme bon lui semble. C'est exactement le message que le leader guinéen veut faire passer à De Gaulle. Mais après cette démonstration de force, le plus explosif reste à venir. Expliquez-moi ça, le plus explosif. Et après quelques instants de repos, les deux hommes se rendent ensemble au siège de l'Assemblée territoriale. A noter que ses couturiers a revêtu un large boubou blanc et qu'il s'est coiffé d'une toque de fourrure frisée. Et ce n'est pas innocent ce costume ? Non. Ses couturiers veut affirmer devant le général et tous ceux qui l'accompagnent son africanité. Le bâtiment de l'Assemblée est bondé et l'atmosphère est fiévreuse. Ouais. Les discours sont prévus, j'imagine. Naturellement, ouais. Comme le veut le protocole, c'est d'abord ses couturiers qui prend la parole et s'adresse à la foule. Et même la plus banale de ces phrases reçoit une ovation extraordinaire. On applaudit à tout rompre, on hurle de joie. Oui, d'accord, mais enfin, le contenu de ce discours. Je vous l'ai dit, j'ai relu les textes de Sékou Touré avant de venir. Et bien, ce discours n'a rien d'anti-français. Au contraire, même, Sékou Touré affirme que la Guinée veut continuer à vivre avec la France. Je ne vois pas ce qu'il y a d'explosif, alors. Le ton, violent, emphatique, et puis quelques phrases nettement provocatrices. Ouais, par exemple, alors. Je ne vous en citerai qu'une. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Et De Gaulle pensait très mal. Oui, pour lui c'est la France et son œuvre en Afrique qu'on attaque. Et aussi naturellement ce projet de communauté qu'il propose aux Africains. Et il comprend que Sékou Touré appellera les Guinéens à voter non au référendum. Et il prend ça pour un affront ? Pour lui c'est certain. Mmh. Il répond quand même. Il répond, oui. Il répète ce qu'il a déjà dit dans les autres territoires qu'il a déjà visités. Mais le cœur n'y est pas. Et puis que dire à une foule tout acquise à celui qu'il considère désormais comme un adversaire ? La suite du séjour en Guinée est d'ailleurs glaciale. Et quand le cortège du général regagne l'aéroport, les rues sont quasi désertes et hostiles. Ouais. La rupture est donc consommée ? Officiellement, non. Mais elle est dans toutes les têtes. Et malgré les efforts des uns et des autres, la Guinée, effectivement, votera massivement non quelques semaines plus tard. Ouais. Elle choisit donc l'indépendance sans la France. Et pour le général, ça veut dire contre la France. Par conséquent, tout va être mis en œuvre pour se débarrasser de ses couturiers. Et tout... Oui, j'ai bien dit tout, mais je vais vous le démontrer. Ça commence par des mesures monétaires, des mesures punitives. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Avant même le référendum, le haut commissaire en AOF, Pierre Messmer, organise une véritable opération de commando pour récupérer les milliards de francs CFA qui se trouvaient dans une succursale de la Banque Centrale, à Conakry. Une opération de commando ? Oui, oui, avec l'intervention de parachutistes et de la marine. Ils sortent de hold-up. Tout à fait. Et comment Sékou Touré réagit-il ? Il fait le gros dos. En fait, il a une idée derrière la tête. Il va essayer de nous rouler. Nous rouler ? Comment ? Aussitôt après le référendum et donc la rupture, il affirme haut et fort qu'il veut rester dans la zone franc. Et parce qu'il veut en retirer des avantages. Certainement. C'est ça, ouais. Mais déjà, il pense à créer sa propre monnaie. Toutefois, ça demande du temps. Il faut créer une banque d'émissions, imprimer des billets, les mettre en place, etc. Par conséquent, Sékou Touré essaie d'endormir les autorités françaises en affirmant haut et fort son attachement à la zone franc. Il doit penser gagner du temps. Et il va vraiment créer cette monnaie, là ? Oui, oui, les billets vont être imprimés très discrètement en Angleterre. Mais chez nous, la riposte est déjà prête. La riposte, alors sous quelle forme ? Les services sont chargés de fabriquer des faux francs guinéens. Les services, c'est-à-dire le SDEC ? Bien entendu. Et dès que le franc guinéen est mis en circulation, cette masse de fausses monnaies est envoyée là-bas. Résultat, la nouvelle monnaie de ces couturiers est rapidement dépréciée. Ouais, ça vient de la monnaie de singe. Oui, avec les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'économie guinéenne, qui n'était déjà pas trop brillante. Ouais. Bah, je ne savais pas que nos espions pouvaient être l'occasion des faux monnayeurs. Hein. Mais c'est pourtant la vérité. Ouais. Mais une telle opération implique de nombreuses complicités. Enfin, en tout cas, la présence sur place d'un véritable réseau d'agents. C'est évident, dès qu'on a compris que ces couturiers rompraient avec la France, ce réseau a été mis en place. Et c'est une décision politique. Prise au plus haut niveau. Mais on parle général, donc. Sur les conseils de son éminence. Oui, Jacques Foccart, oui. Oui, encore lui, oui. Foccart qui est installé à l'Élysée et qui a maintenant la haute main sur toutes les affaires africaines et qui a aussi l'œil sur les activités des services secrets. C'est donc lui qui va coordonner les actions contre ces couturiers. Oui, il ne faut jamais oublier qu'outre la fureur du général qui s'estimait humilié par ces couturiers, nous avions aussi des intérêts économiques très importants à défendre en Guinée. Quoi ? Péchinet venait de construire là-bas une importante usine de transformation de la bauxite en aluminium. Un très gros investissement. Et on pouvait craindre que le flirt que Sékou Touré a tout de suite entamé avec les pays communistes ne se termine par la nationalisation de cette usine. Et ça, à mon avis, hein, ça a dû peser beaucoup plus lourd que la rancune élyséenne. Sans doute. Encore que dans cette affaire, il ne faut pas sous-estimer la colère du général. Ouais. Enfin, il y a donc cette fabrication de fausses monnaies, mais... Foccart ne pouvait pas croire que ça suffirait à renverser ces couturiers. C'est juste. Je vous ai dit que le SDEC et les hommes de Foccart avaient implanté un réseau en Guinée. Mm-hmm. Un réseau qui va s'employer à tenter un véritable coup de force. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. J'ai cité tout à l'heure la biographie de De Gaulle écrite par La Couture, un monument en 3 tomes paru au Seuil. L'écrivain et journaliste note que le général a vraiment été choqué par l'accueil qui lui a été réservé à Conakry. Ainsi, le général Salan, qui vient de le recevoir au retour à Maison-Blanche, l'aéroport d'Alger, le trouve sombre, torturé. Et dans ses mémoires parues aux presses de la cité, Salan rapporte ce trait. Me serrant le bras, il explose soudain. Salan, ce qui s'est passé à Conakry est insensé. Je ne concevais pas pareille haine à l'égard de la France et de moi-même. Une vieille femme, sur le côté de ma voiture, a fait le geste de soulever sa jupe et a craché sur le véhicule. Puisqu'ils veulent l'indépendance, eh bien, qu'ils la prennent, mais ils n'auront plus un sou. Foccart, maintenant. Puisque d'après M. X, c'est lui qui va orchestrer la vengeance du général. Dans un livre paru récemment chez Albin Michel, « Récit de décolonisation », Pierre Messmer, qui était en 1958 haut commissaire de l'AOF, confirme la responsabilité de Jacques Foccart. C'est lui, affirme Messmer, qui a tenu le rôle principal. Ne croyant pas à la solidité du régime de Sékou Touré, il a fini par en convaincre le général de Gaulle. Et il a agi en conséquence. Et Messmer note assez perfidement, je cite, dans ses mémoires, Foccart parle, l'intéressé n'en dit pas un mot, respectant une règle bien connue des services secrets, n'avouez jamais, surtout vos échecs. N'ayant jamais appartenu à ces services, je ne me sens pas lié par cette règle, s'agissant d'événements vieux de 40 ans. J'ai vérifié, c'est vrai, dans ses mémoires parues chez Fayard, Jacques Foccart ne dit mot de son implication dans les événements guinéens, et il prend bien soin de minimiser l'importance des complots qu'il appelle pudiquement des tentatives de déstabilisation dirigées contre Sékou Touré. Nous y venons justement avec M. X. Un coup de force, vous voulez parler d'un putsch ? Oui, ce complot, enfin ce premier complot, car il y en aura d'autres, est préparé dès le début de l'année 1959, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la Guinée. Alors, à l'extérieur ? Il s'agit d'entraîner des officiers guinéens hostiles à Sékou Touré. Mais qui les entraîne et où ? Où ? Au Sénégal, bien sûr. Oui, c'est le grand voisin du Nord. Hein. Oui, là-bas, nous disposons d'un important contingent militaire et de bases sûres où ces officiers peuvent être entraînés en toute discrétion. Alors, par qui ? Eh bien, par des hommes du 11e choc. Ce 11e choc, il faut le rappeler, hein. C'est le bataillon qui fournit les effectifs du service action du SDEC. Tout à fait. Et je vous rappelle, car je vous l'ai déjà dit, que Jacques Foccart, en personne, fait régulièrement des périodes de réserviste à Sercotte, là où est basé le 11e choc. Donc, il en connaît bien les hommes. Et il va souvent les utiliser. Maintenant, voyons ce qui va se passer.

Attendez, au début de cet entretien, vous avez dit que les Français n'avaient pas été les seuls à intervenir en Guinée. C'est vrai. Mais auparavant, je voudrais aussi vous signaler le cas de Jean-Paul Alata, un Français marié à une Guinéenne et qui était devenu un des conseillers influence de Sékou Touré. En 1971, il est arrêté sous la torture, il avouera travailler pour le SDEC. Ouais, sous la torture, donc. On peut mettre en doute la sincérité de ses aveux. Bien sûr. Alata passera 4 ans et demi en prison. Il sera relâché lorsque les relations diplomatiques avec la Guinée seront rétablies. Mais nous en parlerons peut-être un jour. Non entier. Alors, qui est aussi intervenu en Guinée contre Sékou Touré? Les Américains, bien sûr. Ah, la CIA? Oui. Pour quelle raison les Américains là? Les Américains avaient pris notre place dans la production de l'aluminium guinéen. Et sans doute considéraient-ils que leurs intérêts seraient mieux défendus sous un régime différent. Mais il faut aussi parler des Portugais. Les Portugais, alors pourquoi? Les Portugais étaient encore chez eux, dans la Guinée-Bissau voisine. Et ils accusaient Sékou Touré de soutenir les guérilleros de Cabral qui luttaient pour l'indépendance. En 1970, ils vont donc intervenir militairement en Guinée avec des exilés. Et ils occuperont un temps Conakry avant d'être défaits par les troupes de Sékou Touré. Là, décidément, encore un échec, hein? Oui, Sékou Touré semblait vraiment invincible. J'ajoute qu'une nouvelle fois, cette agression a donné lieu à une répression féroce. Et c'est dans cette mesure, je vous l'ai dit, que toutes ces interventions extérieures ratées n'ont fait au fond que plonger la Guinée un peu plus dans la nuit et la terreur. Sékou Touré poursuivra longtemps Jacques Foccart de sa vindicte, et même après la mort du général de Gaulle, alors que le gouvernement de Georges Pompidou va amorcer un rapprochement avec la Guinée. Ainsi, dans une interview à l'agence britannique de télévision Vice News, Sékou Touré s'en prend, en mai 1971, très violemment à Foccart, responsable numéro un, selon lui, de toutes les subversions organisées en Afrique, et particulièrement en Guinée. Et le dirigeant guinéen ajoute: ce serait prétentieux et même une aberration de ma part de penser que le gouvernement se séparerait d'un Français parce que la Guinée le veut. Mais c'est aussi honnête de notre part que de dire qu'étant convaincu que M. Foccart est dans tous les complots contre la Guinée, nous ne sommes pas prêts à collaborer avec l'équipe Foccart. Pascal Krop, dans son ouvrage sur les secrets de l'espionnage français, donne des détails sur toutes les manœuvres visant à renverser Sékou Touré. Voici ce qu'il écrit. En 1969, 70, 74, la CIA et le BND allemand lanceront encore plusieurs opérations armées. Toutes ces manœuvres échoueront lamentablement. On s'en fera une idée en compulsant l'impérialisme et sa cinquième colonne, un recueil publié par les services de Sékou Touré et composé de l'impressionnante litanie des aveux soutirés à divers opposants. Ces confessions obtenues au moyen d'interrogatoires particulièrement inhumains sont à prendre avec précaution. Les anciens du SDEC admettent cependant que les griefs faits à la France sont en bonne partie fondés et qu'aucun complot mentionné n'est imaginaire. Écoutons donc l'un des inculpés. J'ai été recruté par les services français, témoigne Bangoury Karim, animateur du bloc africain de Guinée, puis secrétaire d'État guinéen au Mines et à l'Industrie, par l'intermédiaire de JP qui représentait les anciens établissements français de l'Inde. En juillet 1959, je le rencontrai chez lui, avenue Raymond Poincaré, pour lui faire mon premier rapport. La consigne secrète était à l'époque d'entrer dans le gouvernement d'Union et dans l'administration et de poursuivre le travail pour une prédominance française sur tous les plans, notamment économique, culturel et politique. Le livre de Pascal Krop a été publié chez Lattès. À samedi prochain, et je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com. Elle vous permet de nous écrire ou aussi de réécouter cette émission.